Chapitre 23. 2162, année Upléenne. Le décisionnaire Gisor était un Timus de la planète Uno. Âgé de 112 années, universel, cela en faisait 20 qu'il était à la tête de l'OMPC, Organisation Militaire Protectrice du Comète. Les Timus étaient une espèce possédant un sentiment de justice particulièrement exacerbé, et il était de leur coutume que, à l'exception des deux aînés d'une ponte, tous les autres nés suivraient une formation de soldats pour protéger le comète. La planète Uno avait gagné une expertise en stratégie militaire après des siècles de conflits avec sa planète voisine, Ger. Aujourd'hui, elles étaient partenaires et toutes deux membres du comète. Grâce à son avance technologique et sa longue stabilité, le comète était à l'abri de toute tentative d'attaque depuis plusieurs siècles. Ses connaissances militaires étaient forgées par l'étude des guerres de se déroulant en dehors de ses frontières et des simulations de ces mêmes guerres pour former ses généraux. Pour éviter tout sacrifice de citoyens, les soldats avaient été remplacés depuis longtemps par des robots et les généraux n'étaient soldats que le temps de leur formation. Le décisionnaire Gisor n'avait rien de menaçant. Son anatomie jouait beaucoup dans cette impression. Son regard était doux, grâce à ses petits yeux en demi-lune, répartis en deux paires écartées. Sa tête inclinée, car elle était raccrochée à ses cervicales par le haut, laissait penser qu'on avait affaire à quelqu'un de timide et d'obligeant. Sur son front étiré, serpentaient des dessins propres à son sexe. Un uniforme recouvrait en partie sa carapace, finissant en pointe sur sa queue similaire à celle d'un castor. Après des journées entières passées à ses côtés, Zélé avait eu le temps de l'examiner sous toutes les coutures et d'en conclure qu'il devait être réservé en tant que civil, mais qu'en tant que militaire, il savait s'affirmer. La décision du cercle avait été rendue plusieurs semaines auparavant, et avant de lancer toute offensive contre Nikéas, l'ennemi à combattre ainsi que le terrain devait être parfaitement étudié. Si le comète se lançait dans cette guerre, ce n'était pas pour s'y empêtrer et y passer les 10 prochaines années universelles. Il était évident pour le cercle que la décision avait été favorable parce que l'ennemi semblait faible, isolé, et qu'il pourrait être maîtrisé en quelques mois ou une année tout au plus. Depuis la soumission du dossier de requête, le comète avait placé sous surveillance tous les échanges extérieurs du Nikéas. Où se rendaient les vaisseaux qui la quittaient, ce qu'il déchargeait, quels étaient les bénéficiaires de ces cargaisons. Les échanges étaient presque à sens unique. Les vaisseaux revenant, chargés sur Nikéas, étaient anecdotiques et constituaient en l'apport de main-d'œuvre fraîche, recrutée, lors des livraisons. Les voyages semblaient minutieusement calculés pour éviter tout déplacement inutile, laissant penser à un manque de carburant, si ce n'était de moyens en général. Les vaisseaux étaient tous de vieux modèles en fin de vie. Même si le comète apprenait des guerres se déroulant loin de ses frontières, il n'était pas question de reproduire leur schéma ultra-destructeur. Le décisionnaire, Gisor, comptait adopter des stratégies qui épargneraient le plus de vies. Avant tout, celle des innocents pris dans l'affrontement des deux parties, aussi bien les Nifiens esclaves que les autres espèces animales dont les territoires allaient être piétinés par les forces de l'OMPC. Les pratiques relatées dans les travaux des époux Rabindrana indiquaient que certains mercenaires se retrouvaient tout autant piégés sur Nikéas que les esclaves qu'ils mataient. Se croyant offert un travail dont le salaire pourrait être envoyé à leur famille, ils s'apercevaient une fois sur place qu'il ne s'agissait que d'un aller simple et qu'ils y finiraient leur jour, sans jamais revoir les leurs. Cela ne devrait pas représenter des adversaires virulents, et si la possibilité de rentrer chez eux leur était offerte, le décisionnaire Gisor ne doutait pas un seul instant qu'ils rentraient leurs armes aussitôt. Les supérieurs auraient sûrement des raisons de vouloir protéger leur mode de vie, ainsi que certains de leurs subordonnés comme, par exemple, les pilotes qui exportaient les marchandises. Ceux-là avaient tout le loisir de s'échapper, mais revenaient toujours à bon port. Le plus difficile était de prévoir quel pourcentage de ces individus ne voulaient pas voir leur situation changer. L'établissement des tactiques et des étapes les composant était laissé à Gisor et à ses lieutenants. Zeleormain servait plus de consultant. Zeninouma, ne possédant aucune expertise militaire, s'était retiré sur Upléas, laissant libre sa fille de toute décision. Pour faciliter les discussions tactiques, la reine leur avait remis une ancienne map monde de Nikéas, où les noms des continents, régions, chaînes de montagnes, océans et autres rivières apparaissaient. Cela donna un souffle nouveau et plus familier aux réunions de l'état-major, plutôt que de communiquer qu'en croisement alphanumérique, dénué d'âme. D'après les relevés, permis par la surveillance des échanges extérieurs de Nikéas, les plus fortes zones d'activité devenaient les cibles d'attaques prioritaires. Les forces à déployer furent déterminées en fonction d'elles. Leur localisation exacte se ferait uniquement une fois aux abords de Nikéas, avec un scan de la surface de la planète. En suivant les directions souvent précises indiquées dans le carnet par Amoa, et en tenant compte des zones d'activité détectées par le comète, Ormain était parvenu à retracer leur périple sur le planisphère. Il ne faisait aucun doute que Xenia était originaire du continent nord-ouest, Enrefe. Kel et Amoa avaient gagné le continent Uto, au centre du planisphère, puis avaient longé toute la côte du continent Apmej, et enfin avaient atteint le continent Ayo, à l'extrême ouest. L'activité du continent d'Ormain, Ayo, était concentrée entre les tropiques et n'allait pas au-delà. C'était de là que décollait le plus de vaisseaux. L'élevage d'où avait été sauvé Carsium, situé sur Uto, connaissait des départs moins nombreux, mais de vaisseaux plus imposants. Le continent centre-sud, Apmej, semblait libre de toute oppression. Déduction quelque peu confortée par le carnet, puisque le groupe de voyageurs n'y relatait aucune rencontre. Il n'y avait que le continent Oedz, situé au sud-est, qui demeurait mystérieux. Des vaisseaux imposants, comme ceux de Luto, en partaient, et en plus grand nombre. Mais aucune information dans le carnet ne permettait de connaître la nature de son trafic. Avec ces approximations, les effectifs à déployer pour constituer les diverses unités robotiques de combat furent déduits. Ormain, informé sur la nature du terrain, les habitudes de mouvement, des troupes de mercenaires, les endroits de repli, les conditions météorologiques particulières de sa région. C'était par l'ouest que la libération débuterait. L'OMPC avancerait ensuite vers l'est, se réservant en objectif final les zones les plus floues quant aux activités s'y déroulant. L'état-major aurait le temps d'ajuster ses tactiques pour les autres endroits du globe quand il serait en orbite autour de Nikéas. Naïvement, Ormain s'était imaginé voir se rassembler un à un les soldats d'une grande et puissante armée, comme des troupes de mercenaires, mais avec de beaux uniformes à l'effigie du comète. Il fut un peu déçu de comprendre que le rassemblement se produirait sous une autre forme. Divers vaisseaux de bataillons partiraient des planètes sur lesquelles ils étaient postés et rejoindraient l'état-major à la sortie du trou de ver. Pendant que la flotte de l'OMPC se mettait en route, la source était trop occupée à régler ses conflits internes avec ses associés pour imaginer qu'une autre menace pesait sur la prospérité de ses élevages et de son statut. Il était convaincu que la reine Zeninouma ne tenterait jamais rien contre lui après leur petite discussion à Plantaire. Son unique souci résidait dans l'export de son cheptel vers le continent que venaient d'acquérir ses associés sur une autre planète. Source, comme tu peux le constater, les travaux avancent rapidement. Nous avons une vingtaine de bâtiments achevés. L'optimisation est maximum. Les manutentionnaires ont même été formés. 21% d'effectifs en moins par rapport aux installations actuelles. Et une concentration augmentée de plus de 50%. Nos conseillers en agronomie ne sont pas de ton avis. Tu leur offres bien trop de place. Ils peuvent se contenter de bien moins. Ça, c'est votre bilan pour la race à viande, Josiane. Qu'en est-il des esclaves ? Demanda la source. Ah oui, figure-toi que c'est tout pareil. Les mêmes bâtiments, juste installés dans un secteur différent. Nous gardons l'idée de chaque chose à sa place. Nous ne mélangerons pas les productions. Mais enfin, ils ont besoin d'exercice Vous ne pouvez pas en faire de bons esclaves s'ils sont maintenus immobiles le temps de leur croissance. » S'indigne à la source. Je vais laisser Benjamin te répondre sur ce point. Il est le responsable de cette production. La source n'avait pas envie d'écouter les explications de Benjamin, ni de qui que ce fût d'autre d'ailleurs. Il aimait ses élevages. Il les avait pensés intelligemment pour que chaque race correspondisse aux attentes de ses acheteurs. Ce qu'on attendait de la race à viande, c'était simplement le goût de la chair. Alors l'intellect des spécimens n'avait pas à être stimulé. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils grandissent vite. La race d'esclaves, elle, puisque son utilisation finale était différente, devait donner des êtres rustiques qui sussent se débrouiller, accomplir des tâches domestiques et s'habituer aux conditions de vie primaires. Et enfin, venait son projet qu'il préparait avec amour, depuis des siècles. La race de compagnie avec un pédigré. Des êtres beaux, élégants, instruits, qui enchanteraient leurs propriétaires par leurs prouesses dans les arts. Ils divertiraient leurs maîtres par leurs chants, leurs danses ou autres talents. Si ses associés se permettaient de revoir le modèle d'élevage des spécimens prévus pour l'esclavage, jamais ils ne le laisseraient peaufiner son pédigré. Source, c'est bien aimable de ta part de te soucier de la qualité des produits, mais je peux t'assurer que les garder dans des stalles n'altérera en rien nos bénéfices. Ce système concentrationnaire nous permettra d'augmenter le rendement, de réduire le prix et de toucher un nouveau marché. Certains foyers rêvent de s'offrir un esclave, mais ils sont hors de leur budget. C'est notre devoir de leur permettre d'accéder à ce rêve. Tu seras soulagé d'apprendre que nous garderons quand même quelques élevages plein air pour contenter nos clients les plus exigeants, qui veulent des produits de meilleure qualité. Te voilà rassuré ? Prêt. Avec sa voix métallique, la source parvenait sans souci et à rendre compréhensible son énervement, voire sa colère, avec le volume plus élevé. Le son se réverbérait sur les murs de pierre nus de toute la salle. L'émotion passait tout de suite dans la communication et aucun interlocuteur ne s'y trompait, quelle qu'était son espèce, même s'il s'agissait d'un misérable Aldorion. Pour le sarcasme, c'était autre chose. Non seulement toutes les espèces n'étaient pas sensibles, mais quand jouer sur le volume ne suffisait pas, pour influer sur le ressenti d'une émotion, un message, surtout composé d'un seul mot, prononcé mécaniquement, était interprété comme bon lui semblait par son destinataire. Mais qu'importait à la source que ces ignobles businessmen ne comprenaient rien à son humeur? Il voyait s'effriter son empire, tout allait s'arrêter avant qu'il n'ait pu toucher au but. Bon, maintenant que ces deux points ont été traités, je laisse MV te parler du pôle compagnie. MV ? Merci, Josiane. Autant pour l'alimentation et le service, source, tu comprends aisément que nos clients se soucient rarement des conditions d'élevage. Le prix est davantage ce qui oriente leur choix au moment de l'achat. Mais pour le marché de l'animal de compagnie, nous avons parfaitement conscience que les produits doivent être mieux conçus. Nous apprécions l'effort que tu as fourni tout ce temps, mais cela traîne trop. Nous savons que des clients achètent des esclaves pour en faire leurs compagnons. C'est odieux et inconcevable. Mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous n'avons pas été capables de mettre au point notre produit à temps. Cela dit, c'est toujours mieux qu'ils se fournissent chez nous que chez des concurrents. Je dois avouer que notre quasi-monopole est une véritable fierté. Les tentatives de concurrence échouent si vite que nous ouvrons entre nous les paris. MV eut un peu d'rire coincé. La sourire resta hermétique à sa plaisanterie. S'il avait été mis de doigts, le silence aurait été rompu par le tintement de ses ongles sur la table, réclamant avec impatience l'enchaînement. Sa blague ne faisait pas plus mouche chez ses collègues. MV enchaîna. Tout cela pour dire que ce qui concerne nos modèles de compagnie, nous n'allons pas éterniser tes sélections, sur lesquelles nous n'avons aucune vue, je te rappelle au passage. Nous prendrons ce qui est disponible et cela fera l'affaire pour le lancement de la gamme. Vous refusez de comprendre. La race n'est pas prête et... commença la source. Elle l'est suffisamment pour nos clients. Sois-en assuré, source. Nos prédécesseurs ont été bien trop magnanimes avec toi. Nous le serons moins. Parlons approvisionnement maintenant, source. Des bâtiments sont prêts, il faut les remplir. Où en es-tu de la préparation du cheptel ? Josiane, ce que vous m'avez demandé est impossible. Augmenter ainsi le cheptel sur une si courte durée. J'ai déjà donné l'ordre d'inséminer les femelles juste après leur mise bas. et aussi celle à peine devenue fertile, et d'obtenir des jumeaux par chaque gestation. Non seulement les fausses couches ont été multipliées, mais nous avons aussi eu, par grande malchance du hasard, bien plus de nouveau-nés mâles dernièrement. C'est regrettable en effet. Pendant ce temps, nos bâtiments demeurent vides. Je vais me consoler en me disant que cela fait du tri. Ce ne sont pas de bonnes reproductrices, tant mieux si elles sont éliminées. Josiane, chers associés, je vous propose une discussion privée. Vazej Zedkoy, tu m'exclus de cet échange ? Demanda la source. Source, il y a clairement des décisions que tu t'acharnes à prendre seule. Alors nous pouvons nous le permettre aussi. La communication se coupa, tout du moins pour la source. Il venait d'être rejeté. Attendre, il n'avait que cela à faire. Alors il serait invité à nouveau, dans quelques dizaines de minutes, et il saurait quelle décision aura été prise sur son sort au sein de cette entreprise, et du sort de ses protégés, comme il les considérait. La source fit apparaître une gamelle de friandises, et siffla un Aldorion. La petite créature s'empressa de venir picorer goulûment. Il avait beau être constitué, aujourd'hui, de circuits, la source éprouvait toutes les émotions et ne rien maîtriser de ses affaires le mettait dans un grand état de stress. La contemplation d'une petite bestiole écervelée, mangeant sur commande, l'apaisait. « Tout est simple quand on est un Aldorion », pensait-il. Il rit même quand la créature tout sauta pour recracher une friandise avalée de travers. La scène ne risquait à aucun moment de virer au drame, puisque les Aldorions ne respiraient pas. Mais une friandise, coincée au travers de la gorge, pourrait tout de même empêcher l'animal de manger correctement à l'avenir et s'affaiblir. Quand la gamelle fut vide, l'Aldorion prit congé. Une autre gamelle suivit aussitôt et un autre nom fut ailé. Cependant, la source n'eut pas le temps de profiter du spectacle, puisqu'il reçut une invitation presque aussitôt. Source, nous te sommes très reconnaissants du dévouement dont tu as fait preuve depuis le début de l'établissement de cette colonie. Mais à présent, nous considérons que tes décisions ne suivent pas les intérêts de notre entreprise. C'est pourquoi nous t'excluons totalement des futures prises de décision et t'accordons une place de consultant. Nous n'allons pas risquer de perdre encore du temps. C'est pourquoi le plus grand nombre de spécimens de chaque continent devra être embarqué dans les vaisseaux. Deux voyages pour chaque suffiront pour la constitution d'un cheptel dans nos nouveaux sites. Et ce qui restera sur Nikéas sera abattu. Nous transmettons nos ordres directement à tes exploiteurs, afin qu'ils apprêtent les vaisseaux et enchaînent sur l'embarquement. La communication se coupa. La source étudia avec amertume ses perspectives d'avenir. Rester sur place, mais sans pouvoir, continuer sa passion de l'élevage de Nifiens, rejoindre le nouveau site où il n'aura plus aucun contrôle, ou fuir et trouver un nouveau but à son existence. La gamelle était vide, et le tintement du bec de l'Aldorion résonnait toujours. Il continuait à vouloir saisir des friandises qui n'étaient plus là. La source en agaça et cria. « Vermine !» L'animal se désintégra en quelques secondes, un tir laser venait de l'atteindre. Un nuage de cendres flotta un temps dans la pièce et finit par retomber pour recouvrir le sol comme une couche de poussière. Alors qu'à l'est de Nikéas, les vaisseaux bétaillères étaient en pleine préparation, à l'ouest, les deux premières étapes de la stratégie de l'OMPC étaient lancées. Une dizaine de petits vaisseaux, de la même taille que la Gilgo, ayant approché furtivement la planète avec un brouilleur activé, avaient pour mission de scanner la zone intertropicale du continent Io pour détecter les zones d'activité les plus importantes. Les populations nikéennes des environs devaient être prévenues de l'arrivée imminente des troupes du comète. Ils étaient également invités à se joindre au combat pour leur liberté. Le dispositif pour les prévenir consistait en deux capsules, envoyées aux coordonnées géographiques du groupe de résistants et du village ayant rencontré Zélé, qui délivrait son message en langage universel et en langage nikéen. Les résistants et les villageois disposaient de 12 jours pour informer leurs voisins qui eux-mêmes devraient relayer la nouvelle. Les résistants furent surpris de voir Zélé débarqués dans leur tunnel, marchant d'un air impassible. Il s'était mis à la suivre, à lui parler, et s'étonnait de l'absence de réponse. Finalement, elle s'arrêta, le corps en partie encastré dans une paroi. Certains tentèrent de la toucher, et leurs mains passèrent au travers de son corps. Et délivra son message, en précisant en introduction que ce qu'il voyait n'était qu'une projection enregistrée d'elle, et qu'elle était saine et sauve, sur une autre planète, en ce moment même, en compagnie de leur camarade Ormaïn. Révélation qui les rassura grandement, car ils avaient rapidement trouvé le cadavre de Karoa, après leur départ. Cet appel à la rébellion les prit au dépourvu. Bien qu'il en ait été question, lors des derniers échanges, ils avaient du mal à réaliser que le moment était réellement venu. Ils ne s'imaginaient pas ce que cela impliquait, ni sous quelle forme la lutte se concrétiserait. Il leur semblait que les forces du comète étaient les plus désignées pour se battre contre la technologie des mercenaires, puisqu'ils ne possédaient aucune arme. Mais jouer un rôle dans leur propre libération leur semblait primordial, plutôt que de laisser un tiers, inconnu qui plus était, s'en charger. À l'écoulement des 12 jours, les villages et galeries, sur plus de 200 kilomètres à la ronde, avaient reçu le message et se tenaient prêts, comme ils le pouvaient. Des maisons avaient été renforcées pour servir d'abri aux enfants et aux personnes âgées, pendant que les adultes, portant des vêtements doublés avec de l'écorce, guetteraient l'arrivée de l'aide et rejoindraient ses rangs. Villageois et résistants étaient tout aussi nerveux et dans l'expectative. Nul ne savait à quoi s'attendre, et quand le comète prit contact avec eux, jamais ils n'auraient pu imaginer pareille situation. Des capsules roulèrent, à leurs pieds, pour leur décrire une mission à effectuer. La position de chacun des camps et villages informés de l'imminence de l'offensive avait été communiquée via le dispositif qui avait projeté l'image de Zélé. Celui-ci ayant été emmené par chaque coursier. À ses coordonnées furent envoyées de nouvelles capsules, où Zélé et Ormaïn se présentaient à leur auditoire et leur décrivaient leur première mission. Ils devaient prendre la capsule et la fixer dans un arbre au plus près de la forteresse abritant les mercenaires gérant leur secteur. Tous les détails du pourquoi du comment leur étaient aussi parfaitement expliqués pour les inclure entièrement dans l'action et non pas les utiliser comme de simples exécutants. Le lendemain matin, trop haut dans le ciel pour être visible depuis la terre ferme, une flotte de vaisseaux armés encercla Nikéas, empêchant tout départ de vaisseaux mercenaires. Dans ses observations, le comète avait bien pris soin de noter les horaires de décollage des vaisseaux ennemis sur toute la surface du globe, pour que l'encerclement se fît quand aucun d'entre eux n'était en partance ou en retour. Plusieurs heures après que chaque vaisseau de l'OMPC ait adopté sa position pour le quadrillage stratégique, et près de 1000 kilomètres plus bas, sur chaque façade de forteresse, un message résonna. Le message tombait aux heures où les mercenaires se préparaient pour leur première ronde des villages, de leur secteur, et tous stoppèrent toute activité quand ces mots retentirent. Mercenaires, ici le décisionnaire Gisor, décisionnaire des forces de défense du comète. Notre flotte armée encercle la planète Nikéas. Aucune fuite ne peut être envisagée de votre part. Bien que notre puissance technologique soit supérieure à la vôtre, nous ne comptons pas vous éradiquer, sans vous laisser la moindre chance de reddition. Chacun de vous, mercenaires, peut voir sa vie épargnée, s'il se rend immédiatement. Rendez-vous, et votre vie sera épargnée. Vous serez reconduit sur votre planète sain et sauf, aucune action ne sera tentée contre vous. Le message résonna 3 fois à la suite, puis de manière espacée, fut relancé 10 fois. Aux premières paroles, plutôt que de prêter attention au sens du discours, les mercenaires s'étaient mutuellement interrogés du regard pour comprendre d'où provenait la voix et ce que cela signifiait. Au deuxième passage du message, leur interrogation se porta sur la véracité de ce qu'ils entendaient, levant les yeux au ciel pour apercevoir la fameuse flotte citée. Le décisionnaire Gisor, malgré son statut, était un pacifiste et n'aspirait qu'à régler la situation de manière non violente. Cependant, il savait que si quelques mercenaires pouvaient se montrer séduits par l'offre, y voyant peut-être même une aubaine, nul doute que les responsables de cette colonisation Roche ignorait à abandonner un commerce aussi prospère et qu'ils enverraient d'abord leurs troupes batailler. 4 heures après la diffusion du message, l'OMPC envoya de petits vaisseaux qui atterrirent devant chaque forteresse avertie. Des blindés armés sortirent des soutes et ils effectuèrent des tirs démonstratifs. Et après que la puissance des impacts fut assimilée par les mercenaires présents, l'offre de soumission immédiate fut réitérée. Le message se clôturait par le déploiement d'une rampe par laquelle les mercenaires souhaitant se rendre pouvaient monter à bord. La source, se désolant dans sa forteresse, avait entendu le message aussi bien que si une capsule avait été fixée dans le donjon et ne suscita dans un premier temps aucune réaction. Après des millénaires d'existence, il voyait son travail démantelé, pour le profit de quelques minables qui n'avaient rien compris à son grand dessein. En prêtant attention, cette fois-ci au message du décisionnaire Gisor, il s'interrogea stupidement sur ce qui avait bien pu amener le comète à découvrir que Nikea s'était habité. Il pensait tant avoir cerné la reine Zeninouma qu'il ne concevait pas que la révélation pouvait venir du Pléas. Il imaginait qu'elle aurait tout fait pour étouffer l'affaire, allant peut-être jusqu'à assassiner sa fille pour l'empêcher de parler. Il savait que la princesse Zélée était encore en vie. Il en concluait qu'elle avait rejoint les rangs de sa mère. Niso Craig débarqua dans la pièce de son pas d'Odlinan habituel. Son nouveau commandant, Médelin, voulait connaître les ordres, car près de la moitié de ses hommes s'étaient rendus et il n'avait pas la moindre idée du comportement à adopter. En attendant, lui et ses mercenaires n'avaient pas riposté et s'étaient barricadés dans leur forteresse. Le commandant Médelin faisait partie des mercenaires qui n'avaient aucun intérêt à retourner chez lui. Il était recherché sur plusieurs planètes de la galaxie, et vivre sur Nikéas le mettait à l'abri de tout chasseur de primes. De plus, il menait ici une existence agréable. Ô source, que dois-je répondre à mon commandant, ô source? Et toi, mon bon Niso Craig, que crois-tu qu'il faille faire? Aux sources, une faille, ou ça, aux sources? Eh oui, tes petites méninges ne te permettent pas de comprendre de quoi il en retourne. Un petit silence s'installa. Niso Craig ne répondait pas. Il attendait le précieux message qu'il devait porter. Qu'ils abattent tous les déserteurs, je vais passer le message en toutes les forteresses. Et qu'ils abattent les esclaves, le comète ne me prendra rien. Niso Craig fila aussitôt, et le ronflement du moteur de son scooter disparut bientôt dans la forêt. Source, que se passe-t-il? Le comète encercle Nikéas? Tiens, Josia, quelle bonne surprise, cela faisait longtemps. Tu nous avais assuré que nous n'avions rien à craindre du Pléas. C'est le cas, voyons. Qui d'autre peut avoir tout dévoilé à Jobjo, alors? En réalité, nous n'en avons cure. Notre association s'arrête là, nous trouverons bien un autre moyen de remplir nos élevages. Adieu, source. Après cet adieu de la part de Theodore Aaron Lloyd King, les autres reprirent la formule à l'unisson et la communication fut coupée à jamais. La source n'en attendait pas plus de ses pleutres, bien cachés sur leur lointaine planète. Ils le laissaient seul pour affronter les forces du comète. Qu'à cela ne tienne, ses troupes seraient combatives. Par un discours éloquent, il annonça à ses loyaux commandants et leurs dévoués subalternes ce qu'il attendait d'eux, rectifiant certains des points énoncés à Niso Craig. Les blindés, qui étaient sortis des vaisseaux de l'OMPC, parcouraient la jungle pour atteindre les forteresses, extérieures au périmètre des 200 km, devant lesquelles les capsules n'avaient pu être fixées. Le même schéma était systématiquement appliqué. Le message du décisionnaire Gisor était délivré, puis un vaisseau se posait pour embarquer les déserteurs. Les blindés étaient bien sûr des armes de guerre, mais ils n'étaient pas des bulldozers qui pulvérisaient tout pour se frayer un passage entre les arbres. Tout comme l'OMPC avait pour idée d'épargner au maximum la vie des mercenaires, la progression des engins devait être aussi inoffensible que possible pour les animaux locaux et leur habitat. ils n'étaient que des innocents qui se retrouvaient piégés dans cet affrontement. Ainsi, le moyen de locomotion des blindés consistait en des membres articulés, fins et creux, ce qui les dotait d'une grande agilité, permettant d'enjamber, par exemple, les grandes racines, et de ne pas broyer chaque centimètre carré de leur chemin. Le succès de la stratégie fut évident pour les premières forteresses. Plus des deux tiers des mercenaires baissaient immédiatement leurs armes, souvent même avant les tirs démonstratifs, et montaient à bord docilement. Aussi bien Gisor que Zélé se réjouissaient de voir les vaisseaux revenir avec autant de prisonniers volontaires, et Ormain, quant à lui, s'imaginait déjà Nikias libre au bout de quelques jours. Pendant 2 jours, tout était bien rodé. Les blindés arrivaient, les mercenaires étaient tirés à l'intérieur de leur forteresse et sortaient, désarmés, pour se rendre. Les vaisseaux, chargés, s'élevaient dans les airs, et les blindés poursuivaient leur progression. Puis la situation bascula en 2 temps. Soudain, il n'était plus question que certains des mercenaires se rendissent. Ils étaient abattus dans le dos par leurs homologues dès qu'ils mettaient un pied dehors pour s'avancer vers le vaisseau de l'EMPC. À l'état-major, on s'activa vite pour trouver un moyen de garantir la sécurité des mercenaires qui décidaient de jeter les armes, mais avant qu'une solution fût trouvée, la situation évolua encore. Quand les blindés approchaient, personne ne sortait plus des forteresses, à la fin de la diffusion du message. Les engins stationnaient de longs moments, attendant un signe des occupants, mais rien ne venait. Dans le vaisseau de commandement, on se demanda si les forteresses étaient habitées. Des unités robotiques furent dépêchées sur place pour inspecter les lieux, et il se révéla qu'il ne s'y trouvait pas âme qui vive, à part parfois quelques prisonniers nikéens abandonnés sur place, qui furent libérés et pris en charge. L'hypothèse que les mercenaires avaient pris le maquis fut dominante dans les conclusions permettant d'expliquer les événements. Dans un premier temps, pris au dépourvu, ils avaient capitulé, n'ayant pas eu le temps de réfléchir à une autre option. Dans un second temps, ils avaient tué les déserteurs, leur faisant payer leur trahison. Et finalement, ils avaient dû se concerter et en déduire que la forêt dense leur permettrait d'échapper à toute capture. Ils sont bien naïfs, avait fièrement lancé Ormain, jubilant de la débandade que vivaient ses tortionnaires. Et puis, la réelle explication de la désertion des forteresses par les mercenaires leur tomba dessus via une première découverte des plus glaçantes, puis une seconde, et puis encore une dizaine d'autres, qui attendaient désormais les blindés à leur arrivée. Les mercenaires ne s'étaient pas empressés d'aller se cacher sous des buissons, en espérant ne jamais être trouvés. Non, ils étaient partis se réfugier dans les camps d'esclaves, prenant ceux-ci en otage, et ce furent des Nikuens, mutilés, laissés en indice devant les forteresses, qui mirent brutalement fin à toutes les réjouissances qui, jusqu'ici, animaient l'état-major. Par son expérience, Gisor ne fut aucunement choqué par les images des corps massacrés. Il en fut tout autre chose pour Zélé et Ormain, qui étaient devenus livides à la découverte du premier corps, et faillirent tous deux s'évanouir en découvrant qu'il respirait encore, et quand son bras, en partie sectionné, se leva en direction du blindé, alors que la partie coupée du membre pendait à la verticale, se balançant au bout de ses tendons. Toutes les victimes découvertes reflétaient l'imagination perverse de leur bourreau. Certains n'étaient pas trop amochés, quand d'autres suppliaient intérieurement que la mort les délivrât de leur souffrance. Quand les villageois avaient vu les mercenaires venir à eux, ils comprirent que leur petite préparation ne servirait à rien. Sans l'aide annoncée par la projection de Zélé, aucune offensive ne pourrait être tentée. Ils n'étaient pas armés et sans tactique coordonnée, ils savaient que le combat était perdu d'avance. Ils avaient laissé les mercenaires les regrouper au cœur de leur village, en cercle. Les malheureux choisis au hasard s'étaient laissés conduire au centre et n'avaient pas forcément compris ce qui leur arrivait quand les mutilations commencèrent. Ils entendirent leurs camarades hurler. Parfois, certains tentaient d'intervenir. Et cela finissait de 2 façons. Tuer, immédiatement, ou les rejoignaient. Dans les villages les plus combatifs, des enfants furent pris pour cible et ceux-ci effaça toute idée de révolte, voire devinrent les plus dociles par la suite. L'incompréhension des Nikéens était d'autant plus grande que jamais les mercenaires ne s'étaient livrés au sadisme jusque-là. Ils étaient des brutes au quotidien, il y avait quelques histoires de violence gratuite, Mais celle-ci avait toujours été perpétrée dans le dos des supérieurs, et si ces derniers s'en étaient rendus compte, les coupables avaient été sanctionnés ou avaient disparu dans le cas de récidive. Aujourd'hui, les supérieurs demandaient à leurs subalternes de se livrer à des actes de torture. Les châtiments n'eurent lieu qu'une fois. Les Nikiens virent leurs frères et sœurs mutilés, emmenés. Ils le savaient tout, puis furent enfermés dans leur hutte. L'avertissement que les mercenaires avaient envoyé aux comètes au travers des Nikiens torturés ne tarda pas à recevoir une réponse. Les blindés firent demi-tour et quittèrent le sol de Nikias. Les résistants, à l'abri dans leur galerie, reçurent une nouvelle visite de la projection de Zélé, leur confiant la mission de déposer des capsules autour des villages pour que l'OMPC pût garder un œil sur le comportement des mercenaires et envisager des tactiques d'approche. Et pourquoi ne pas tous les endormir avec un gaz ? Demanda Ormain. Comment cela ? Eh bien, avec votre technologie, répandre un gaz dans tous les villages pour endormir tout le monde et récupérer les otages et emprisonner les mercenaires, expliqua Ormain. Représentant Ormain, tu oublies de prendre en compte deux facteurs. Le premier est que nous avons affaire à plusieurs espèces très différentes. Il n'existe pas un gaz qui aura la même efficacité sur chacune d'elles. Et le second est que dès qu'ils sentiront la moindre tentative d'offensive, ils blesseront un otage. Je vois, décisionnaire Gisor, c'est une impasse. Pour le moment, oui. C'est la raison de notre réunion. Pendant qu'une réflexion était en cours sur la stratégie qui permettrait de libérer le continent Ayo sans massacre, les analyses du continent Uto, lancées lors de l'encerclement, étaient terminées et les différents sites d'élevage avaient été identifiés. La situation était bien moins complexe à gérer. Les exploitants étaient totalement séparés des exploités, qui restaient enfermés dans des bâtiments concentrationnaires. Curieusement, les Nifiens à viande allaient trouver leur salut dans leurs conditions de vie indécentes. Les fermes étaient réparties sur plus de 40 millions de kilomètres carrés. 50 000 vaisseaux armés furent envoyés, chacun ayant pour mission de délivrer une dizaine d'exploitations. Les exploitants, qui géraient les élevages à viande, n'avaient rien de comparable aux mercenaires de l'Ouest. Ils étaient moins nombreux, ne formaient pas de troupes et ne disposaient d'aucune arme, puisque le bétail n'était pas à surveiller. Ils vivaient cloîtrés, sans le moindre risque d'évasion. Les élevages étaient automatisés au maximum et les exploitants n'avaient pour travail que d'assurer la maintenance du matériel. Aux dernières nouvelles de leur hiérarchie, il leur avait été demandé d'apprêter les vaisseaux bétaillères pour un transport massif. À la suite du dernier échange entre la source et ses ex-associés, personne ne les avait prévenus que le business avait pris fin et qu'ils seraient abandonnés à leur sort une fois l'export du cheptel terminé. Non seulement la préparation des bétaillères leur prenait du temps, mais ils avaient vu aussi leur charge de travail doubler, quand, des mois auparavant, la consigne d'augmenter les naissances leur avait été donnée. Ils avaient davantage d'inséminations à pratiquer, de naissances à gérer, et de cadavres de mères mortes en couches à jeter dans les charniers. Quand les vaisseaux du comète arrivèrent, dans presque aucun élevage, ils ne prêtèrent attention au vrombissement des moteurs, pensant rapidement qu'il s'agissait de l'aide au chargement ou d'une inspection impromptue de contrôle de l'avancement des tâches. La géographie plane, offrant de multiples zones d'atterrissage. Les vaisseaux envoyés étaient grands, transportant d'importants effectifs de soldats robots. Les troupes se déversèrent dans cette campagne désolée, aux cours d'eau noirs et morts, aux rives garnies des mêmes plantes invasives, où le vent balayait une odeur pestilentielle de purin, où il suffisait de suivre les nuées d'insectes nécrophages qui se repaissaient dans les charniers à ciel ouvert pour trouver les élevages. Le paysage était d'une banalité à pleurer. L'horizon était ras, pas de bosquets et encore moins de forêts en vue. Tout était coupé pour cultiver à l'infini la nourriture monotone des innocents incarcérés. Les visages des exploitants exprimèrent la plus grande incompréhension quand leurs sites furent assiégés. Ils ne comprirent pas qu'ils se trouvaient face à une armée d'opposition à leur activité, Ils restèrent ahuris à voir fondre leur portail d'entrée sous la chaleur des lasers et pénétrer dans l'enceinte des élevages des milliers de soldats en armure. Ils ne se doutaient pas qu'ils avaient affaire à des machines. Ils eurent aussi un message via une projection, non pas du décisionnaire Gisor mais de Zélé. Le message adressé aux mercenaires de l'Ouest avait été enregistré en universel et en nikéen. Celui-ci était délivré uniquement en universel, suivant les informations du carnet de Xenia. L'état-major savait très bien que les exploitants n'avaient aucune possibilité de repli. Ils furent en joue à l'instant où le message se terminait. Personne ne pouvait s'imaginer que s'ils avaient tenté de fuir, leur vie n'aurait été en aucun cas en danger, puisqu'ils ne représentaient une menace directe pour personne. Aussitôt que des périmètres étaient sécurisés, une aide de soldats faits de chair et de sang était détachée sur place pour venir libérer les Nikéens des installations, de les rassurer et de les soigner. Plus d'un milliard de Nifiens allaient devoir être pris en charge. Aucune force d'opposition ne pouvant surgir, ils resteraient sur place. La nourriture était déjà là, mais viendrait vite à manquer. Les installations allaient devoir être montées d'urgence pour leur offrir des conditions d'accueil décentes. « Je me rends sur place pour coordonner l'aide, » dit Zélé au quartier général. « Mais Zélé, et la situation avec les mercenaires ?» s'inquiéta Ormain. « Il y a déjà 600 millions de citoyens à aider rapidement Ormain. S'ils sont tous dans le même état que Carsium, la présence d'Unifienne les rassurera sûrement, plus que les infirmiers d'espèces diverses du comète. De plus, la situation en Ayo est pour le moment bloquée, et je n'ai pas l'expertise du décisionnaire Gisor pour imaginer une tactique qui vaille la peine d'être étudiée. Je reste joignable sur mon implant. Tenez-moi informé de l'évolution, » dit Zélé. « Veux-tu que je vienne avec toi, Zélé ?» proposa Ormain. « Le continent Ayo est ton secteur. Je pense que tu seras d'une plus grande aide au poste de commandement, » lui répondit Zélé. « Une seule aide nifienne pour 600 millions de Nikéens, » fit remarquer Ormain. « 40 fois la population du Pléas, je ne réalise même pas. Je me rends sur place pour évaluer l'ampleur de la tâche et je ferai venir du renfort. » conclut Zélé. Zélé prit place à bord d'un petit vaisseau pour rejoindre, en moins de 4 heures, le premier secteur libéré du continent Uto. Alors qu'elle enfilait une combinaison par-dessus sa tunique dans le sas, le décisionnaire Gisor l'aborda. « Héritière Zélé, tu ne pourras pas toujours tout contrôler. » Décisionnaire Gisor, ne vous en faites pas, je la sais, mais tant que je la peux, j'y tiens. Apprends à déléguer, c'est un conseil que je te donne. Si cette guerre porte ses fruits, le travail sera bien trop important pour n'être assuré que par toi. Décisionnaire Gisor, merci du conseil. La combinaison, une fois enfilée, s'adaptait au physique de son porteur. Zélé passa des sabots à ses pieds et activa l'ouverture de la porte du vaisseau, qui coulissa pour révéler un habitacle où trônait un seul siège. L'intelligence artificielle de bord gérait toute la navigation. « J'ai aussi une requête à te soumettre, » reprit le décisionnaire. « Décisionnaire Gisor, laquelle ?»« Tu ne seras pas loin du continent Enrefet, et tu pourras être tenté d'aller l'inspecter. N'y mets pas les pieds. Nous découvrirons en temps et en heure si ses habitants y sont aussi libres que décrit dans le carnet. » Zélé ne répondit pas immédiatement, son regard évitant de croiser les multiples perdus du général. En fait, d'une requête, c'est un ordre. N'oublie pas que je suis ton supérieur actuellement. Décisionnaire Gisor, alors, j'y tiendrai. Zélé regretta que le décisionnaire Gisor l'ait si facilement percé à jour. Des idées d'escapade plus à l'est avaient bien traversé son esprit quand elle planifiait de partir en mission altruiste. Était-elle si prévisible, ou le général était-il habitué à sonder l'âme des gens? Zélé aurait aimé que le premier élevage qu'elle visiterait fût celui où Xenia et Amoa avaient été conduites par petit frère Chagrin. celui d'où avait été libéré Carzium, le père de Caroa. Mais l'emplacement exact de ce site n'était pas connu. Il devait se trouver sur l'extrémité ouest du continent, c'était là le seul indice. Zélé se contenta de se rendre à la limite sud, zone par laquelle les opérations avaient débuté, remontant vers le nord. Quand elle mit pied à terre, l'odeur insoutenable s'empara de ses voies respiratoires. Elle remonta aussitôt à bord pour ceindre son halo protecteur qui la protégerait de cette nuisance olfactive. Elle fut très vite accueillie par l'aide responsable du site libéré. Je suis Silal, responsable du site C8. Enchantée. Héritière zélée, j'imagine. C'est cela. Enchantée, également. C8 ? La carte a juste été quadrillée. Nous ne faisons, dans le sentiment, pas trop. Des dénominations militaires. Silal, originaire de la planète Thiologs, mesurait aussi bien 3 mètres de haut que de long. La distinguer dans la masse était chose aisée. Zélé mit un temps avant de remarquer qu'elle était aussi entourée d'une lueur bleutée qui trahissait l'utilisation d'une ceinture génératrice d'un halo environnemental. Pour une fois, Zélé était parfaitement dans son élément sur cette planète et pouvait circuler sans craindre pour sa peau ou ses voies respiratoires. Tout du moins, dans un environnement sain. Mais il ne l'était pas. Le purin sentait trop fort pour être ignoré et en venait à piquer les yeux. De plus, les personnes sur place devaient porter une combinaison pour prévenir toute contamination. Zélé espéra que bientôt viendrait le temps béni, où plus aucune combinaison ou halo ne la couperait du monde extérieur. « Combien sont-ils ?» demanda Zélé. « En tout, 1032. Mâles 324, femelles 405, dont enceintes 325 et enfants 303. Nous avons, pour les tests ADN et les réunir avec leur mère, commencé les prélèvements. » « Où sont-ils à présent ?» demanda Zélé. « Pour éviter toute agitation, ils sont encore dans leurs bâtiments respectifs. Nous les avons juste libérés et avons abattu les séparations des stalles. Nous avons procédé au nettoyage complet aussi. »« Très bien, conduisez-moi. » Elle marchait jusque-là d'un bon pas, vers le bâtiment des femelles, Zélé parvenant à suivre sans difficulté les foulées amples de Silal. J'ai vu et soigné dans cet univers ce qu'il y a de pire, Zélé. J'ai servi en dehors du comète, dans diverses organisations. » dit Silal. Je n'en doute pas un seul instant, Silal. Je sais que si tu es là, c'est parce que tu as l'expérience requise. Je te mets en garde, je ne parle pas de moi. Rien là-dedans n'est choquant pour moi. Mais toi, tu es citoyenne du comète. Tu ne sais pas ce que c'est l'horreur. L'avertit Silal. Crois-moi, je commence à en avoir une idée. Sur le continent Ayo, Zélé avait vu les esclaves, d'anifiens normaux, vivant des vies paisibles quand ils n'étaient pas prélevés par les mercenaires. Elle ne connaissait que la race nifienne esclave, et celle-ci, de race, n'avait pas subi de modification, de sélection génétique. Les esclaves étaient tous du gabarit d'Ormaïn, qui était lui-même du gabarit d'un nupléen moyen. Zélé avait dépassé Silal et ouvert la porte du bâtiment d'un geste empressé. Quand elle passa le seuil, elle ne vit rien, ses yeux devant soudain s'accoutumer au faible éclairage, à l'intérieur du bâtiment. Et puis, des masses lui apparurent, hautes, sombres, aux muscles saillants hypertrophiés, difformes. Si ces êtres étaient des Nifiens, on les aurait crus mal formés. Quand elle put distinguer leurs traits, elle y eut l'inconfort que c'était de vivre dans pareil corps. D'être déjà usé alors qu'on était encore jeune, que faire un pas ou respirer était un effort. Zélé avança, impassible parmi eux. Silal crut qu'elle ne voulait pas que les Nifiennes vissent sur son visage la pitié, l'horreur inspirée par leur vision. Mais pour cela, il aurait fallu que Zélé maîtrisât sa réaction, ce qui n'était pas le cas. La stupéfaction la possédait tout entière, et ce ne fut qu'après un aller-retour complet dans le bâtiment qu'elle réagit. Assise, sur un seau retourné, elle regarda ses mains trembler. Et avant que cette vague d'émotions prenant naissance à ses extrémités ne se propageât, elle ferma les yeux, inspira et expira à fond, et se releva avant que la moindre larme ne s'extirpât de ses yeux. pleurer, hurler, vociférer, ne servirait à rien. Alors autant ravaler ses émotions. Elles auraient tout le loisir de s'exprimer dans ses cauchemars. Zélée se noya dans les soins, dormant à peine, pour fuir la folie qui menaçait de s'emparer d'elle chaque fois qu'elle posait un regard lucide sur la situation. Une des premières tâches ne permettait pas de se voiler la face. Il s'agissait de recouvrir les charniers, et avant même de les recouvrir, il fallait y ajouter d'autres cadavres. Ceux des malchanceux qui étaient morts juste avant que l'élevage ne fût pris par les forces de l'OMPC. Et de l'abattoir, du site qui était à différents stades de préparation, d'à peine tué à dépecer et coupé en morceaux. Avec des équipes dévouées et expertes, elle gagna la confiance des misérables. Sa ressemblance physique, avec eux, leur permit de gagner bien du temps. Les autres sites libérés piétinaient à ce stade. Elle prit le temps de documenter les observations que Silal, elle et toute l'équipe faisaient pour les partager avec les autres sites. Chaque jour, le besoin d'une aide upléenne se ressentait de plus en plus pour que le progrès fût plus flagrant. L'héritière du Pléas avait au moins la satisfaction de voir certains Nikéens libérés répéter quelques mots et se joindre aux équipes pour aider leurs congénères, avec un effet boule de neige appréciable. Début de connexion. Reine Zinouma, nous avons urgemment besoin d'une aide de 20 000 infirmières upléennes. Fille Zélée, 20 000? Rien que cela? Reine Zinouma, 8 fois plus si voilà pouvait. Parlez-leur d'une mission top secrète pour sauver les enfants de la patrie, et elles s'empresseront de se porter volontaires. Fille Zélée, elles déchanteront une fois sur place. Reine Zinouma, ne leur cachez pas la vérité. J'ai réalisé une présentation de la situation et de la mission. Elles seront plus préparées que moi en débarquant. Fille Zélée, très bien. Ce sera diffusé auprès des volontaires. Reine Zinouma, merci. Fille Zélée, vas-tu à bien? Reine Zinouma, c'est... Je ne vous cacherai pas que... Enfin, nous disposons d'une aide psychologique sur place et... Je relativise. Fille Zélée, prends soin de toi. Ce n'est que le début de ton combat. Fin de connexion. Des mois plus tard, quand le renfort upléen arriva, Zélée était intervenue sur 3 sites et co-gérait désormais son 4e. Sur les sites de l'héritière, les Nikéens se montraient investis. Ils prenaient part à la vie des camps établis et on pouvait imaginer qu'ils seraient autonomes à moyen terme. Les autres sites peinaient à obtenir le même résultat. L'établissement d'une parfaite confiance et d'une bonne communication semblait impossible, les Nikéens ne parvenant pas à effacer l'idée d'ennemis face à des êtres d'espèces différentes. Le fait que les aides du comète étaient à l'image de leurs anciens exploiteurs, une multitude d'espèces très diverses, devait y être pour beaucoup. Les enfants progressaient vite et cela jouait sur l'évolution positive de leur mère. Pour les mâles, adultes, la situation était plus complexe, puisqu'ils restaient entre eux. Quand les écoles en préfabriquées furent prêtes, et qu'elles se révélèrent un succès pour la jeunesse, des adultes furent insérés dans les classes, et l'enthousiasme de leurs cadets finit par les gagner petit à petit. La future place qu'occuperaient dans la société les adolescents et adultes nikéens, issus de l'élevage, n'apparaissait pas encore clairement. Ils avaient grandi et avaient vécu dans un confinement tel et en l'absence de toute stimulation qu'ils ignoraient tout du monde extérieur et des possibilités qui allaient s'offrir à eux. Ils devraient faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Tous les rudiments de la civilisation devaient leur être inculqués, même la langue nikéenne. Pour veiller à ce que leur esprit supportasse ces changements si abrupts, un suivi attentif serait opéré sur plusieurs années. Pendant cette période, Zélée restait en contact avec l'état-major en orbite et prenait des nouvelles de l'avancement de la situation à l'ouest. Celle-ci n'avait pour ainsi dire pas bougé d'un pouce. Les mercenaires s'étaient eux-mêmes piégés à se rendre dans les villages, mais aucune offensive ne pouvait être tentée contre eux tant qu'ils détenaient des otages. De plus, même s'ils en venaient à être à court de munitions, leurs armes blanches leur garantissaient de pouvoir toujours se montrer intimidants. Les mercenaires avaient conscience qu'ils étaient acculés et acceptaient rarement d'ouvrir le dialogue. Quelques rares négociations portèrent leurs fruits et des villages furent libérés, les mercenaires capitulant. Cependant, ces cas restaient très anecdotiques pour remporter la victoire. Et puis la nourriture vint à manquer. Aucun villageois ne pouvant s'éloigner pour la cueillette, les vivres stockés s'épuisèrent et des approvisionnements réguliers par l'OMPC s'établirent. Zélé désespérait de ces nouvelles révoltantes, mais n'avait pas la tête à rétorquer et partager des idées, et se contentait de remercier Ormaïn pour les rapports qu'il lui fournissait. Les infirmiers upléens, à leur débarquement, furent accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Les responsables de chaque camp n'auraient plus à contacter Zélé pour son avis, ce qu'ils hésitaient souvent à faire, sachant qu'elle était très sollicitée. Les infirmiers arrivèrent par vagues de 100 par 100. Ils étaient formés tout de suite par Zélé, puis aussi par d'autres concitoyens, et envoyés au fur et à mesure dans les élevages libérés selon l'avancement des troupes vers le nord. Le halo protecteur revêtu par les Upléens avait été opacifié pour donner à leur peau une teinte bleutée plus prononcée, faisant d'eux de parfaits Nikéens. Les Upléens, débarquant dans ce monde dont ils ignoraient jusqu'ici la vraie nature et faisant face à des situations inédites, se montraient impliqués et prenaient des initiatives bienvenues. Au bout de quelques mois, Zélé sut que la relève était assurée, qu'elle partirait en laissant les rescapés des élevages entre des mains compatissantes et compétentes. Chaque Upléen s'occupait de plusieurs sites. Ces sites avaient été regroupés en secteurs, et ceux-ci se virent attribuer un coordinateur, Upléen ou autre, qui restait en contact avec Zélé, réduisant les interlocuteurs de plusieurs milliers à une petite centaine. Elle demeura encore 3 mois sur place, le temps de bien assimiler qu'elle n'avait rien à apporter de plus que les autres, qu'elle ne pouvait tout contrôler, et qu'il en valait mieux ainsi. Même pour ce poste-là, elle finit par céder sa place, et les coordinateurs firent leur rapport à quelqu'un d'autre. Finalement, elle n'eut plus qu'un regard épisodique sur l'évolution du continent Uto. Il était temps pour elle de partir. Mais avant de retourner au vaisseau spatial, principal, elle indiqua un autre capte à l'intelligence artificielle de bord, de son engin privé. Le décisionnaire Gisor lui avait interdit de survoler le continent Enrefe. Très bien, ses envies d'exploration se concentreraient sur des destinations plus lointaines. Il n'avait rien dit au sujet de celui plus au sud, le continent Oedz, qui l'intriguait bien plus. L'activité détectée par le comète y semblait importante, mais les pèlerins n'y avaient pas mis les pieds. Les continents Enrefin et Oedz étaient reliés par un petit bras de terre. Mais une chaîne de montagnes le parcourait, et le peuple libre de Xenia, Amoa et Lassé n'avait jamais dû tenter de la franchir. Zélé signala tout de même son excursion au poste de contrôle afin de ne pas être confondu avec l'ennemi. Faisant partie des décisionnaires, son déplacement fut simplement enregistré comme réglementaire et ne remonta jamais jusqu'à l'état-major. En survolant la Terre, une centaine de kilomètres après la côte, Zélé aperçut des Bolbolco jaunes, un troupeau si immense qu'il s'étalait sur tout l'horizon. Elle parcourut encore une bonne distance sans en voir la fin. Elle n'avait jamais imaginé que les Bolbolco puissent vivre regroupés en pareil nombre. Sur Upléas, les troupeaux sauvages n'excédaient guère 30 individus. Elle chercha des yeux une zone dégagée pour se poser sans les effrayer. Avant de quitter la protection de son vaisseau, Zélé se munit d'une des armes laser disponibles dans l'appareil, et aussi du poignard, serti d'un rubis, qu'elle avait récupéré lors de sa visite des galeries avec Karoa. C'était le matin. Le soleil pointait à l'est. Un léger vent frais caressa la peau de l'héritière quand elle foula le sol. Au sud, et si reculé à l'intérieur du continent, le climat était plus chaud qu'en Uto, mais tout de même supportable. Rien de comparable avec le pôle nord upléen. La région était vallonnée. Il y avait des bosquets de buissons épineux. L'herbe était jaune et sèche, comme de la paille coupée. Avant de descendre une colline, pour se diriger vers les Bolbolco, elle observa les alentours, à la recherche d'une activité quelconque sans rien déceler. Aucun animal ne leva la tête à son approche. Tous restèrent le nez dans l'herbe, à brouter. Bien que les Bolbolco n'eussent pas de prédateurs, ce qui les rendait peu farouches, elle s'étonna tout de même de la facilité avec laquelle elle put toucher le premier, et que les autres ne prêtèrent toujours pas attention à sa présence. Elle caressa et pianota des doigts sur la peau du Bolbolco, pour communiquer un peu avec lui. Mais il continuait obstinément à manger, avançant mécaniquement au fur et à mesure que ses lèvres coupantes rasaient l'herbe. Ses yeux parcoururent son corps, de la tête à la queue, et arrivés à la queue, ils remarquèrent que celle-ci n'était pas portée en l'air, mais complètement affaissée au sol, comme lourde et traînée derrière le Bolbolco. Elle s'accroupit pour mieux comprendre, et, au travers de la membrane jaune translucide qui formait une cavité dans la queue, elle distingua un fœtus. L'animal était gestant, ce qui impliquait le lourd poids de la queue. Un sourire attendri fendit légèrement la bouche de Zélé. Elle se releva et flatta affectueusement la croupe du futur parent. Elle alla à la rencontre du Bolbolco suivant, et fit vite le même constat. La queue lourde, pleine d'un bébé à naître. Elle leva le regard vers les autres, et la situation était la même pour tous. La situation lui parut immédiatement étrange. D'abord, elle émit la supposition que peut-être les futurs parents se rassemblaient, et que les non-gestants étaient plus loin. Alors elle partit à la recherche. Et n'en trouva pas. Comme le troupeau était gigantesque, elle retourna à son vaisseau pour s'éloigner et tenter sa chance dans une autre zone. La journée s'écoula, alors que le tableau était toujours le même. Des animaux à différents stades de gestation et sans réaction. L'incompréhension de Zélé restait totale. Quand, avant que l'étoile Réas ne commençât à se retirer, un bourdonnement se fit entendre et un vaisseau d'une dizaine de mètres de long se mit en vol stationnaire au-dessus du troupeau. Zélé se cacha immédiatement derrière un Bolbolco et vit la soute s'ouvrir pour lâcher un essaim de drones qui s'éparpilla pour se fixer à la queue de chaque Bolbolco, dont celui contre lequel Zélé se trouvait. Le drone avait fondu si vite au sol qu'elle n'avait pas eu le temps de tenter la moindre fuite. Mais étant donné qu'elle était entourée de Bolbolco, tous assaillis, la fuite lui était impossible. Très vite, Zélé comprit que le drone n'était qu'une machine programmée pour une certaine besogne et ne risquait pas de détecter sa présence. Alors elle s'approcha et observa son travail. La machine, longue de 80 cm, se fixait à califourchon et déroulait un drain qu'elle plantait à l'extrémité de la queue du Bolbolco et pompait le liquide amniotique. Une poche, jusqu'ici imperceptible, s'en remplissait petit à petit. Au bout d'une dizaine de minutes, un voyant changea de position sur la machine, sûrement indiquant que la poche était passée du statut de « vide » à « plein ». La ponction s'arrêta aussitôt, le drain fut ravalé, et toutes les machines s'envolèrent presque en même temps, reformant un essaim qui s'engouffra dans le vaisseau mère. L'engin s'éloigna et se repositionna en vol stationnaire, dans une autre zone. Les Bolbolco se couchèrent les uns après les autres, se ventilant difficilement. L'un d'eux s'étala de tout son long, l'encolure au sol, la bouche ouverte. Le camouflage de sa peau était comme détraqué, passant au brun, puis au jaune, virait au marron. Zélé s'empressa d'aller à son chevet. Il était plutôt maigre à y regarder de plus près. Il remuait spasmodiquement les jambes et essayait de happer l'air. C'était sans doute pour lui la traite de trop. Pendant un temps qui sembla une éternité, il fut pris de convulsions, puis elle s'arrêtait et revenait. La vie, qui n'avait plus rien à lui apporter que la souffrance, ne voulait pas le quitter. Accroupi, Zélé tenait sa tête sur ses genoux et caressait sa ganache, en sachant parfaitement qu'il ignorait sa présence. Mais n'était-ce pas pour autant la chose à faire? Son coude, frôla un objet fixé à sa ceinture. Le pistolet laser. Elle préféra attendre encore un peu, espérant que la mort viendra d'elle-même. Non, elle refusait de se présenter. Parfois, elle le croyait parti. Ses yeux vitreux pouvaient le laisser croire, mais une convulsion revenait soudain, où les flancs se gonflaient tout à coup. C'était insoutenable. Elle pleurait pour lui, pour tous les autres alentours qui connaîtraient le même sort quand il serait trop épuisé. Elle l'embrassa sur le bout de son museau carré, déposa délicatement sa tête sur le sol, visa sa tempe et tira. Son crâne explosa. Il ne bougea plus. Elle se dirigea vers la queue et tira aussi sur le petit, totalement formé, qui emplissait la queue. Là où la tête de l'adulte n'était plus qu'un amas de chair fumante, elle trouva une sorte d'électrode. Avait-elle été fixée au cerveau? Était-ce pour cela qu'ils étaient aussi indifférents à leur environnement? Ce spectacle lui causa plus de chagrin et de sentiments d'injustice que les camps et élevages de Nifian. Les Bolbolco étaient des êtres sans défense, par excellence. Dociles et inconscients de leur asservissement, ils subissaient sans se rebeller. Ils étaient les plus faibles des plus faibles. Elle passa la nuit près du corps, incapable de bouger ou de réaliser ce qu'elle pouvait faire. Elle se réveilla le lendemain, au milieu du troupeau. Le corps était toujours là. Les autres Bolbolco s'étaient relevés et tondaient l'herbe à nouveau, jusqu'à ce que ce soir revinssent les machines extractrices. Début de connexion. Zélé, tu dois revenir au commandement au plus vite, cria Ormaïn. Que se passe-t-il, Ormaïn? C'est horrible, balbutia Ormaïn. Quoi donc? S'enquit Zélé. Les mercenaires, de la nourriture est déposée aux abords des villages et les packs correspondent aux espèces, mais il y a quelques jours, les mercenaires d'un village se sont plaints qu'il n'y avait pas de morceaux de cadavres, commença à expliquer Ormaïn. Ce n'est pas étonnant de leur part, ils viennent de planètes où manger son prochain est culturel, répondit Zélé. Oui, sauf que ils ont dévoré un otage ce soir, dit Ormaïn. Ces monstres, s'écria Zélé. Tout le monde a été rassemblé, Zélé. Tu dois rentrer. Fin de connexion.